Très bel après-midi, tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Ces gens-là agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens, et ils nient toute forme d'Holocauste. Des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Moi, je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique, c'est que le gouvernement d'Allemagne de l'Est décide, par exemple, de supprimer le mur. Cette semaine, l'Allemagne et ses démons, d'un mur à l'autre, le ventre est toujours fécond d'où a surgi la bête immonde. La porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestation, on croit rêver. Rostock, Solingen, des noms qui sonnent comme de mauvais souvenirs dans la tête. À Rostock, à Solingen, se sont élevés un soir, dans l'air, des brasiers allumés par des jeunes skinheads décidés à libérer la planète blanche de la racaille étrangère. Le monde a paru interloqué de voir qu'au fond, en effet, le ventre était encore capable d'accoucher de quelques bêtes immondes. Mais il fallait voir de plus près. Il fallait voir dans quelle mesure ces incendies n'avaient pas été le seul fait d'une bande de jeunes au crâne rasé, la tête alourdie de haine et les tripes hurlantes de ressentiment. C'est ce sujet qu'a choisi de vous présenter Irène Chaland de l'unité documentaire de la TSR2. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver de temps à autre pour qu'elle nous présente ses choix, ce qui a retenu son attention ou son émotion dans un documentaire. Et là, vous allez le voir, ce thème de Rostock était pour elle l'occasion d'un intense retour en arrière. Juste après, nous avons rendez-vous avec Camille Tellan. Avec son film « Prisonnier du feu » à Rostock, Camille Tellan revient donc 10 ans après les événements interroger les acteurs de ces soirées tragiques. Aussi bien le repenti skinhead que le responsable de la police qui, à l'époque, a remarquablement brillé par son inefficacité et son absence. Également l'une des victimes, un Vietnamien qui n'a oubliez aucune seconde de ces soirées. Vous verrez et entendrez également des habitants de Rostock, Lichtenhagen, les uns portant naturellement secours aux agressés, les autres. Mais les autres paraissent si nombreux. Camille Tellan, un réalisateur d'origine turque et installé en Allemagne depuis des années, revendique son statut de réalisateur politique. Vous l'entendrez, pour lui, l'ex-Allemagne de l'Est, l'ex-RDA, n'a pas fait le travail en profondeur lui permettant de reconsidérer le passé nazi de l'Allemagne. Comme il le dit, les nazis en RDA, c'était les autres, ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Histoire vivante, aujourd'hui rencontre avec Camille Tellan, mais auparavant, un petit moment avec Irène Chaland. Irène Chaland, vous étiez à Rostock, c'est je crois votre premier reportage. C'était mon premier reportage pour la télévision suisse-romande, pour le téléjournal. J'étais en fait à Rostock pour le journal La Suisse, qui existait encore, car j'étais à l'époque correspondante pour le journal La Suisse. Et le téléjournal m'a demandé de réaliser un film. C'était effectivement mon premier reportage, fait toute seule avec un caméraman, un preneur de son, dans des circonstances, comme vous pouvez imaginer, assez prenantes et difficilement supportables au niveau humain. Alors, le film raconte les événements qui se sont déroulés lors de cette nuit à Rostock, mais il met en lumière deux choses qui, pour les gens qui ne connaissent pas bien ce sujet, sont proprement effarantes. Bon, c'est d'une part, mais ça, finalement, c'est pas une surprise, à la fois la conduite de ces jeunes gens affiliés à l'extrême droite, où on ne sait pas véritablement, on sent que l'idéologie politique est plus une attitude et plus un costume qu'autre chose. En revanche, la population environnante et son consentement muet, ainsi que les dysfonctionnements plus que curieux de la police, offrent un visage, un profil extrêmement sombre à cette région de l'Allemagne. Oui, vous parlez d'une population muette. La population était plus que muette, c'était terrible. La population applaudissait quand les skinheads lançaient des cocktails Molotov contre ces façades. C'est quasiment inimaginable d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Des gens étaient pris dans cet immeuble, des enfants étaient là, des assistants sociaux. En partie, c'était des Vietnamiens, donc c'était des gens que les Allemands de l'Est avaient l'habitude de côtoyer. Des gens venus travailler comme les saisonniers chez nous. Alors bien, ils vivaient peut-être dans des formes de ghetto, on les coupait de la structure sociale de l'Allemagne de l'Est, mais les éléments de connaissance entre les Allemands de l'Est et les Vietnamiens étaient là. Donc normalement, cette peur de l'autre ne devait pas être existante. Ce à quoi un groupe de tziganes de Roumanie a été, je dirais, parqué sur la pelouse autour de cet immeuble. Alors là, on peut se poser effectivement des questions. Comment peut-on installer des gens sans toit, sans tente, sans abri, sans sanitaire, les laisser comme ça au milieu d'HLM, sur des pelouses à travers lesquelles les habitants de Rostock devaient aller tous les jours, traverser tous les jours ce petit chemin pour aller au seul supermarché. On peut se demander s'il n'y a pas une provocation politique des édiles de Rostock et qui permet peut-être pas de comprendre ni de justifier, mais d'essayer de remettre les choses dans leur contexte et de mettre en perspective ces réactions de skinheads. Des skinheads qui venaient par ailleurs aussi d'Allemagne de l'Ouest et pas seulement d'Allemagne de l'Est. Donc il y avait une volonté de jeter de l'huile sur le feu, d'essayer d'attirer la sympathie de la population pour ces idées xénophobes et d'extrême droite. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, c'est une chaîne, c'est un maillon de questions qui reste plus ou moins sans réponse, qui appartiennent au domaine de l'incompréhensible, de l'inhumain. Comment est-ce que des édiles, des gens responsables, que ce soit du ministère de l'Intérieur aussi, au niveau fédéral, sous le gouvernement d'Helmut Kohl, personne n'a pris ce problème au sérieux. Et ça a été, pendant 3 jours, l'embrasement, ça a été un scénario à répétition. Ça, je pense que ça a malheureusement réveillé Dieu démon en Allemagne de l'Est et dans toute l'Allemagne. Et le film est également surprenant parce que les enquêteurs qui sont aujourd'hui allés à la rencontre de ces habitants de Rostock, dans ce quartier qui a été rénové, qui est flambant neuf, où il n'y a plus d'étrangers, cette population, il y a encore des gens aujourd'hui qui, devant la caméra, disent qu'ils ont trouvé ça tout à fait normal. Que dire ? 24 août 1992. Rostock-Lichtenhagen, une partie de l'ensemble d'immeubles HLM préfabriqués est en feu. Un foyer pour requérants d'asile ainsi que l'immeuble voisin dans lequel vivent des Vietnamiens. Les caméras de télévision nous montrent des manifestations de liesse. Puis, cette scène. Un homme se détache de la foule pour jeter une bombe incendiaire contre la façade. Cette image de l'affreux Allemand fera le tour du monde. Le même endroit, 10 ans plus tard. Tin, le Vietnamien, se remémore la nuit du grand incendie. Jamais je n'aurais cru qu'il voulait réellement nous faire du mal ou incendier la maison. J'ai toujours eu confiance en l'État et en la police, et alors même que ça brûlait, j'espérais encore que la police arriverait à maîtriser la situation. C'est moi avant de lancer le cocktail Molotov contre la façade. Des aveux 10 ans plus tard. Ce documentaire raconte ce que les images ne montrent pas, l'histoire telle que les hommes et les femmes l'ont vécue des deux côtés du brasier. Histoire vivante rencontre aujourd'hui avec le réalisateur de Prisonniers du feu à Rostock, un entretien conduit par Daniel Zacker et traduit par Martin Euler. Camille Taylan, bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs ? Je suis né il y a 50 ans à Istanbul. Je suis venu en Allemagne faire mes études. J'ai étudié à Darmstadt, à Francfort, physique, la sociologie, la politique. Et puis j'ai travaillé à partir des années 80 à la télévision allemande comme producteur de documentaires politiques pour la télévision allemande ARD. Quels sont vos sujets de prédilection ? Quelle est en général la direction de vos films ? Mes films ont un caractère politique. En fait, ils traitent de la situation politique en Allemagne et des situations dans le monde qui concernent l'Allemagne. Ce sont des sujets qui convergent principalement vers l'Allemagne. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait un film sur des réfugiés arrivés en bateau au large des côtes d'Italie. Die Schlepper sie einfach aufs Wasser gesetzt haben und das Schiff nicht mehr weiterging. Ich mache aktuelle Dokumentation zu Deutschland. Je fais des documentaires d'actualité sur l'Allemagne. J'ai fait un sujet sur les drogues. Ces derniers temps, j'ai fait des sujets, des films avec des sujets historiques d'il y a 10 ans à peu près. En quoi vos origines turques vous différencient-elles d'un réalisateur allemand ? En fait, je suis né en Turquie, mais j'ai le passeport allemand. Je suis un Allemand par choix. J'ai décidé de rester, de vivre en Allemagne. Je suis marié avec une Allemande, mais malgré ça, pour beaucoup, je reste un étranger. Et être étranger, on le ressent tous les jours. Dans la rue, quand on parle avec les gens, on ressent toujours comme ça cette xénophobie qui est bien ancrée en Allemagne. On n'en parle pas tellement publiquement, ouvertement, et c'est pour ça que personnellement j'en parle dans mes films. Mais ce n'est pas seulement sur ça que je travaille. Pouvez-vous expliquer en quelques mots le sujet de votre documentaire ? Alors, le sujet concernant le film de Rostock est celui d'un pogrom. En 1992, un foyer pour Vietnamiens et requérants d'asile a été attaqué par des gens de l'extrême droite, ainsi que des gens de la population de Rostock. Finalement, ils ont mis le feu et cette attaque a duré 3 jours. Les images qu'on a faites ont été vues partout et le monde entier regardait vers l'Allemagne. L'image du vilain allemand était de nouveau d'actualité. Et en raison de ce jubilé de 10 ans, j'ai cherché des participants, des responsables que personne ne connaissait jusque-là. L'un d'eux m'a raconté comment ils ont préparé l'attaque, comment ils ont attaqué et comment ils avaient l'intention de tuer les gens. C'était le point de départ de mon film. Et l'autre point, c'était que la police n'a rien fait, mais rien fait du tout. Beaucoup d'Allemands qui ont assisté à ces scènes se sont montrés passifs, n'ont pas réagi. Que pouvez-vous dire de cette passivité ? Mais les gens n'étaient pas du tout passifs. Ils ont été actifs, au contraire. Enfin, tout au moins la population à Lichtenhagen. Beaucoup de gens à Lichtenhagen ont participé. Ils ont crié, ils ont amené des cocktails Molotov. Ils ont soutenu ces jeunes gens qui ont voulu tuer les gens dans le foyer. Et personne n'a dit arrêtez avec ça. C'est pour ça que je ne peux pas parler de passivité. La passivité concerne peut-être les hommes politiques de l'époque. Eux, ils ont regardé, ils n'ont rien fait. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu plus dures les lois sur l'asile. Ils n'ont pas fait davantage. Mais la passivité était du côté de la politique, pas de la population. La population a été très très active. Le prologue, été 1992. Des Roumains fuient leur pays au bord de l'effondrement et se réfugient en Allemagne. Bon nombre d'entre eux s'adressent au bureau central d'accueil pour requérants d'asile, la Tsast, qui se trouve dans l'immeuble des Tournesols. Mais ça fait bien longtemps que la Tsast est débordée. Des centaines de Roumains vivent depuis plusieurs semaines sur cette pelouse. Il reste 3 semaines jusqu'à la nuit du grand incendie. Personne n'endosse de responsabilité envers ces gens. Pas d'hébergement, pas de douche, même pas de WC. L'État laisse ces familles livrées à elles-mêmes. Extrait de la chanson que vous allez entendre. J'ai un passeport vert avec un aigle doré dessus. Pourquoi dois-je le montrer partout? Pourquoi vous étonnez-vous qu'un Africain parle sa propre langue? Est-ce qu'un Allemand doit être blond, aux yeux bleus? Est-ce que cela vous étonne que je ne sois pas aussi clair que vous? Cela n'a-t-il pas déjà existé? Le problème est dans le système. Un bon Allemand doit vraiment ressembler à un Allemand. Blond, yeux bleus. Si tu es blond, il n'y a pas de danger. Les nouvelles. À nouveau des disputes à Rostock. Cela devient le point de rassemblement pour tous les néo-nazis de l'Allemagne. Nous nous battons contre le racisme et les préjugés. Le groupe Advanced Chemistry, tiré de l'album Fremd im eigenen Land. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich meine. Komm, lass es sein. Ich kenne diese Fragen seitdem ich klein. Bin in diesem Land vor 2 Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was hab ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. Ey, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Haar, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, Aussiedler, Tourist, Immigrant. Sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen. Wohin er mag, zum Skifahren in die Schweiz, als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien, als Au-pair nach Paris. Den anderen wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. Ausländerfeindlichkeit, Komplex der Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren, meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf. Somit nahm ich Spott in Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf. Politiker und Medien berichten ob früh oder spät von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der Vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt, wie es um die schlecht bezahlte und beliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen Wert legt, warum es diesem Land so gut geht, dass der Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt, mit Nutzen beitrug und noch beiträgt, mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt, in Krisenzeiten die Sündenbock-Rolle belegt und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf. komm, dem hau was Maul auf. Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf. Gewalt in Gestalt deiner Faustliga bald. Oder einem blitzenden Messer einer Waffe, die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen. Pogrome entstehen, Polizei steht daneben. Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung. Anfangs hab ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut. Denn noch nie seit ich denken kann, war so schlimm wie heute. Politikerköpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All dies passt genau in ihr Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schoß, für Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner macht den Faschus-Dinger aus. Dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Franz ein Unterfell. Krach macht und fällt, sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Camille Tellan, le réalisateur de Prisonnier du Feu à Rostock, est allemand et d'origine turque. Cette double nationalité lui fait ressentir en permanence cet arrière-plan xénophobe qui persiste, continue à perdurer malgré l'histoire ou à cause, peut-être, de l'histoire, comme si la plaie du nazisme n'avait pas été totalement nettoyée en ex-Allemagne de l'Est. Suite de l'entretien conduit par Daniel Zacher. Quelle est la situation actuellement dans l'ancienne Allemagne de l'Est? Oui, la situation maintenant a beaucoup changé. Je ne crois pas qu'un pogrom pourrait arriver encore une fois à Rostock. Je n'y crois pas, mais ça peut arriver partout en Allemagne. Vous devez vous imaginer que depuis les 12 ans de la réunification, plus de 100 personnes, des étrangers, des handicapés, des gens qui perçoivent de l'aide sociale, ont été tués par des gens de l'extrême droite dans la rue, tout simplement. Et ça n'existe dans aucun pays européen, cette situation. Mais un pogrom comme à Rostock n'arrivera pas de sitôt. Parce que l'État et la police sont sensibilisés maintenant. Mais l'agression des gens de l'extrême droite fait partie de la vie de tous les jours en Allemagne. Peut-on parler d'une nostalgie d'avant le mur ? Ja, aber ich weiß nicht, das gibt's natürlich. Es gibt politische Parteien, die diese Nostalgie ausnutzen. Oui, évidemment, il y a des partis politiques qui travaillent avec cette nostalgie, qui profitent de cette nostalgie, mais je ne crois pas que ça change quelque chose à l'attitude des gens de l'extrême droite. Le fait qu'il y ait dans l'ancienne RDA des gens de l'extrême droite est dû au fait que dans la RDA, il n'y avait jamais de discussion au sujet du passé nazi. En ex-Allemagne de l'Est, on a dit que c'était uniquement les Allemands de l'Ouest. Nous sommes les opprimés, nous les socialistes. Voilà, c'était le credo, ça. Donc, si vous voyez, il n'y avait pas de débat historique. Il y avait autant de nazis à l'Est qu'à l'Ouest. Et le fait que maintenant ça joue un grand rôle, c'est dû en fait au chômage, qui est très très grand à l'Est. Donc, le chômage et ses pensées d'extrême droite tombent, disons, sur un très très bon terrain. Quelle a été la critique et quel a été l'accueil et la critique de votre film ? La critique a été très bonne. J'ai reçu beaucoup de prix pour ce film. Mais en fait, l'audience, l'audimat n'a pas été très haut. Mais la critique, elle, fut vraiment très bonne. Les discussions sur les événements, sur ce qui s'est passé en 1992 à Rostock, ces discussions-là sont toujours manquantes aujourd'hui. Non, il y a eu seulement des petites discussions sur Rostock après le film. Mais pas sur le fond, pas sur le pogrom, depuis la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Et ça, c'est parce que les hommes politiques ont peur. Parce qu'il faudrait leur dire, aux acteurs de ces événements, quelles ont été leurs fautes, et ils ont peur pour leur place politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de discussion. Comment expliquez-vous le succès, entre guillemets, d'une telle opération ? Ça s'est passé 2 ans après la destruction du mur. Et la police n'était pas prête pour une action comme celle-là. De leur côté, par contre, les nazis, eux, ils étaient vraiment très très bien organisés. Ils le savaient depuis plusieurs semaines que quelque chose allait se passer à Rostock. Mais la police, elle, ne le savait pas. Ils n'étaient pas préparés pour ce genre de choses. Et la population était du côté des extrémistes de droite. C'est la raison pour laquelle ça a duré 3 jours. 3 jours sans que personne ne réagisse. C'est pour cela que ça ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui, car maintenant, si quelque chose de ce genre se reproduisait, la police serait là tout de suite. Rostock, début août 1992. La date du prétendu soulèvement populaire spontané a été fixée depuis longtemps. Que savait la police ? À cette époque, Jürgen Deckert était le chef de l'état-major de la police de Rostock. Un des émeutiers nous a raconté qu'il était au courant 3 ou 4 semaines auparavant qu'il allait se passer quelque chose ce week-end-là. Alors, il en savait plus que nous. 18 août. Il reste 6 jours avant le grand incendie. Un mouvement de citoyens s'adresse à un journal de Rostock. Si la municipalité ne met pas d'ordre à Lichtenhagen avant la fin de la semaine, nous le ferons nous-mêmes, mais à notre manière. Le rédacteur en chef Ulrich Wetter a l'intention de publier l'appel, mais auparavant, il en informe le délégué aux étrangers de la commune. Lors d'une discussion avec M. Wetter, j'ai essayé de faire passer mon point de vue en lui disant que j'estimais qu'il était dangereux de publier cet appel et qu'il s'agissait pratiquement d'une annonce gratuite pour inciter les gens à se rassembler à cet endroit, car la situation était très émotionnelle et sensible. Je me souviens que M. Wetter m'a rappelé qu'il était de son devoir de journaliste de ne pas retenir les informations et qu'il devait donc publier celles-ci. Notre discussion s'est ensuite achevée sur ce désaccord. Il avait annoncé qu'il allait publier cet appel et je ne pouvais pas cautionner cela. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Isabelle Barthes. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Bon week-end et à lundi pour une nouvelle série d'Histoires vivantes. Ce soir, elle dort chez sa maman, même si elle avait un amant, ça ne serait pas le moment. Elle ne fait pas ça méchamment. Ce soir, elle dort chez sa maman. Garçon, quand elle trouve que je suis un con, elle a toujours quelques raisons. J'ai quelques torts de toute façon. C'est une fille, je suis un garçon. Ce soir, je dîne avec Chloé. Elle m'a aidé à préparer, ah là là là, c'est une entrée. On va pas se mettre à pleurer, ce soir je dîne avec Chloé. C'est dommage qu'elle dort chez sa mère, même si elle a laissé une bière. J'ai trouvé de l'atome super en faisant les courses chez un tel. C'est dommage qu'elle dort chez sa mère. La tomme, faut la prendre en saison. Sinon, ça n'est pas vraiment bon. Un peu sec ou un peu carton, il faut déjà faire attention. La tomme, faut la prendre en saison. J'espère qu'elle sera là bientôt. Elle a juste laissé un mot. Notre amour, c'est pas du boulot. Réquisitoire sans trémolo. J'espère qu'elle sera là bientôt. Ce soir, elle dort chez sa maman. Fais pas ça méchamment. Ce soir elle dort chez sa maman. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.